Et si rien ne parle, rien ne bouge, arrêt sur écran vivant, isolé, vaincu, sans doute aliéné, pas même un battement. J'aimerais qu'on me ramène, je ne reconnais plus les gens. Seul tout au fond de ma haine, la peine est mon dernier amant. Il faudrait que je me lève, respire et marche vers l'avant, bâtisse à nouveau la grève enterrée par mes sables mouvants, et me souvenir de celle qui n'existe plus vraiment, redevenir la rebelle et la bête vaincue par j'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort, on a la foi tant qu'on s'endort, le rage au ventre. J'y crois encore, à tout jamais jusqu'à la mort. Le silence, j'y crois encore. Et que l'espace où j'en crève devienne un autre néant, quand le ciel dévoile et soulève en moi l'âme et les mois d'un géant. Retourner sans un geste, le pas seulement passer vraiment, cracher sur tout ce qui blesse, ramener le futur au présent. J'y crois.